Il n'est point arrivé malheur à la reine, répandant toute sa pensée et tout son amour dans cette interrogation. Je ne crois pas. Cependant, je crois qu'elle court quelque grand péril dont votre grâce seule peut la tirer. Moi, s'écria Buckingham, et quoi? Je serai assez heureux pour lui être bon à quelque chose. Parlez, parlez! Prenez cette lettre, dit D'Artagnan. Cette lettre? De qui vient cette lettre? De Sa Majesté, à ce que je pense. De Sa Majesté, dit Buckingham, pâlissant si fort que D'Artagnan crut qu'il allait se trouver mal. Juste ciel, qu'ai-je lu? S'écria le duc. Patrice, reste ici, ou plutôt rejoins le roi partout où il sera, et dis à Sa Majesté que je la supplie bien humblement de m'excuser, mais qu'une affaire de la plus haute importance me rappelle à Londres. Venez, monsieur, venez. Et tous deux reprirent au galop le chemin de la capitale. Chapitre 21. La comtesse de Winter. Les chevaux allaient comme le vent et en quelques minutes ils furent aux portes de Londres. En entrant dans la cour de l'hôtel, le duc marchait si rapidement que D'Artagnan avait peine à le suivre. Il traversa successivement plusieurs salons d'une élégance dont les plus grands seigneurs de France n'avaient pas même l'idée et qu'il parvint enfin dans une chambre à coucher qui était à la fois un miracle de goût et de richesse. Dans l'alcôve de cette chambre était une porte prise dans la tapisserie que le duc ouvrit avec une petite clé d'or qu'il portait suspendue à son cou par une chaîne du même métal. « Venez, dit-il, et si vous avez le bonheur d'être admis en la présence de Sa Majesté, dites-lui ce que vous avez vu. » Encouragé par cette invitation, D'Artagnan suivit le duc qui referma la porte derrière lui. Tous deux se trouvèrent alors dans une petite chapelle toute tapissée de soie de Perse et brochée d'or. Au-dessus d'une espèce d'autel était un portrait de grandeur naturelle représentant Anne d'Autriche, si parfaitement ressemblant que D'Artagnan poussa un cri de surprise. On eût cru que la reine allait parler. Sur l'autel et au-dessous du portrait était le coffret qui renfermait les ferrets de diamants. « Tenez, lui dit-il en tirant du coffre un gros nœud de ruban bleu, tout étincelant de diamants. Tenez. « Voici ces précieux ferrets avec lesquels j'avais fait le serment d'être enterré. » Tout à coup, il poussa un cri terrible. « Qu'y a-t-il ? » demanda D'Artagnan avec inquiétude. « Et que vous arrive-t-il, milord ? » ?»« Il y a que tout est perdu, » s'écria Buckingham en devenant pâle comme un trépassé. « Deux de ces ferrets manquent. Il n'y en a plus que 10. On me les a volés, » reprit le duc, « et c'est le cardinal qui a fait le coup. Tenez, voyez, les rubans qui les soutenaient ont été coupés avec des ciseaux. » Si Milord pouvait se douter qui a commis le vol, peut-être la personne les a-t-elle encore entre les mains. Attendez, attendez, s'écria le duc, la seule fois que j'ai mis ces ferrets, c'était au bal du roi, il y a 8 jours à Windsor. La comtesse de Winter, avec laquelle j'étais brouillé, s'est approchée de moi à ce bal. Ce raccommodement, c'était une vengeance de femme jalouse. Depuis ce jour, je ne l'ai pas revue. Cette femme est un agent du cardinal. Quand doit avoir lieu ce bal? Lundi prochain. Lundi prochain? 5 jours encore, c'est plus de temps qu'il ne nous en faut. Patrice, s'écria le duc en ouvrant la porte de la chapelle. Patrice ! Son valet de chambre de confiance parut. Mon joaillier et mon secrétaire. Mais quoique ce fût le joaillier qui eût été appelé le premier, ce fut le secrétaire qui parut d'abord. Monsieur Jackson, lui dit-il, vous allez vous rendre de ce pas chez le Lord Chancelier et lui dire que je le charge de l'exécution de ses ordres. Je désire qu'il soit promulgué à l'instant même. « Mais, monseigneur, si par hasard Sa Majesté avait la curiosité de savoir pourquoi aucun vaisseau ne peut sortir des ports de la Grande-Bretagne... »« Vous avez raison, monsieur, répondit Buckingham. Il dirait en ce cas au roi que j'ai décidé la guerre et que cette mesure est mon premier acte d'hostilité contre la France. » Le secrétaire s'inclina et sortit. D'Artagnan admira à quel fil fragile et inconnu sont parfois suspendues les destinées d'un peuple et la vie des hommes. Il en était au plus profond de ses réflexions lorsque l'orfèvre entra. « Monsieur O'Reilly, lui dit le duc en le conduisant dans la chapelle, vous voyez ces ferrets de diamants, et dites-moi ce qu'ils valent la pièce. » L'orfèvre jeta un seul coup d'œil. « 1500 pistoles la pièce, milord, répondit-il. « Combien faudrait-il de jours pour faire 2 ferrets comme cela? Vous voyez qu'il en manque 2. » « 8 jours, milord. Je les paierai 3000 pistoles la pièce, il me les faut après-demain. » Milord les aura. Vous êtes un homme précieux aussi, mon cher monsieur O'Reilly. Vous êtes mon prisonnier, et vous voudriez sortir à 7 heures de mon palais que vous ne le pourriez pas. Prenez-en donc votre parti. Nommez-moi ceux de vos garçons dont vous aurez besoin et désignez-moi les ustensiles qu'ils doivent apporter. L'orfèvre connaissait le duc, il savait que toute observation était inutile. Ce point réglé, le duc revint à D'Artagnan. « Maintenant, mon jeune ami, dit-il, l'Angleterre est à nous deux. Que voulez-vous? Que désirez-vous? » « Un lit, répondit D'Artagnan. C'est pour le moment, je l'avoue, la chose dont j'ai le plus besoin. » Le surlendemain, à 11 heures, les deux ferrets en diamant étaient achevés, mais si exactement imités, si parfaitement pareils, que Buckingham ne put reconnaître les nouveaux des anciens. Aussitôt, il fit appeler D'Artagnan. « Tenez, lui dit-il, voici les ferrets de diamants que vous êtes venu chercher, et soyez mon témoin que tout ce que la puissance humaine pouvait faire, je l'ai fait. » « Soyez tranquille, milord, je dirai ce que j'ai vu. Mais votre grâce me remet les ferrets dans la boîte ?»« La boîte vous embarrasserait. D'ailleurs, la boîte m'est d'autant plus précieuse qu'elle me reste seule. Vous direz que je la garde. » « Je ferai votre commission mot à mot, milord. » Et maintenant, reprit Buckingham en regardant fixement le jeune homme, « comment m'acquitterai-je jamais envers vous ?»« Entendons-nous, milord, répondit D'Artagnan. Je suis au service du roi et de la reine de France. Il y a plus. C'est que peut-être n'eussé-je rien fait de tout cela s'il ne se fût agi d'être agréable à quelqu'un qui est madame à moi. » C'est donc à cette personne que je dois être reconnaissant de votre dévouement. Vous l'avez dit, milord. Car justement à cette heure qu'il est question de guerre, je vous avoue que je ne vois dans votre grâce qu'un Anglais. Nous disons, nous, fiers comme un Écossais, murmurait Buckingham. Et nous disons, nous, fiers comme un Gascon, répondit D'Artagnan. Les Gascons sont les Écossais de la France. D'Artagnan salua le duc et s'apprêta à partir. Eh bien, vous vous en allez comme cela ? Par où ? Comment ? Allez au port. Demandez le brick le Sand. Remettez cette lettre au capitaine, il vous conduira à un petit port, Saint-Valéry. Arrivez là, vous entrerez dans une mauvaise auberge sans nom et sans enseigne. Après, vous demanderez l'hôte et vous lui direz « forward ». Ce qui veut dire « en avant ». C'est le mot d'ordre. Il vous donnera un cheval tout scellé et vous indiquera le chemin que vous devez suivre. Vous trouverez ainsi 4 relais sur votre route. Maintenant votre main, jeune homme. Peut-être nous rencontrerons-nous bientôt sur le champ de bataille, mais en attendant, nous nous quitterons bons amis, je l'espère. Oui, milord, mais avec l'espérance de devenir ennemis bientôt. Soyez tranquille, je vous le promets. D'Artagnan salua le duc et s'avança vivement vers le port. En face de la tour de Londres, il trouva le bâtiment désigné, remit sa lettre au capitaine, qui la fit viser par le gouverneur du port, et appareilla aussitôt. 50 bâtiments étaient en partance et attendaient. En passant bord à bord de l'un d'eux, D'Artagnan crut reconnaître la femme de main, la même que le gentilhomme inconnu avait appelée Milady. Le lendemain, vers 9 heures du matin, on aborda à Saint-Valéry. D'Artagnan se dirigea à l'instant même vers l'auberge indiquée, fendit la foule, s'avança vers l'hôte et prononça le mot « forward ». À l'instant même, l'hôte lui fit signe de le suivre, le conduisit à l'écurie où l'attendait un cheval tout scellé et lui demanda s'il avait besoin de quelque autre chose. « J'ai besoin de connaître la route que je dois suivre, » dit D'Artagnan. « Allez d'ici à Blangy et de Blangy à Neuchâtel. À Neuchâtel, entrez à l'auberge de la Herse d'Or. Donnez le mot d'ordre à l'hôtelier et vous trouverez comme ici un cheval tout scellé. » 4 heures après, il était à Neuchâtel. Il suivit strictement les instructions reçues. À Neuchâtel, comme à Saint-Valéry, il trouva une monture toute scellée et qui l'attendait. « Votre adresse à Paris ? Hôtel des gardes, compagnie des Essarts. » « Bien, répondit celui-ci. « Quelle route faut-il prendre ? Demanda à son tour D'Artagnan. « Celle de Rouen. » À Pontoise, il changea une dernière fois de monture et à 9 heures, il entrait au grand galop dans la cour de l'hôtel de M. de Tréville. Il avait fait près de 60 lieues en 12 heures. M. de Tréville le reçut comme s'il avait vu le matin même. Il lui annonça que la compagnie de M. des Essarts était de garde au Louvre et qu'il pouvait se rendre à son poste. Chapitre 22. Le balai de la Merlaison. Le lendemain, il n'était bruit dans tout Paris que du bal que messieurs les échevins de la ville donnaient au roi et à la reine et dans lequel leur majesté devait danser le fameux balai de la Merlaison qui était le balai favori du roi. À 3 heures, arrivèrent 2 compagnies des gardes, l'une française, l'autre suisse. La compagnie des gardes françaises était composée moitié des hommes de M. Duhallier, moitié des hommes de M. des Essarts.

où elle devait se dévêtir. La reine venait de regagner sa chambre et D'Artagnan s'apprêtait à se retirer lorsqu'il sentit qu'on lui touchait légèrement l'épaule. Il se retourna et vit une jeune femme qui lui faisait signe de la suivre. Cette jeune femme avait le visage couvert d'un loup. Il reconnut à l'instant même son guide ordinaire, la légère et spirituelle Madame Bonacieux. D'Artagnan suivit donc Madame Bonacieux, mu par un double sentiment, l'amour et la curiosité. Madame Bonacieux ouvrit une porte cachée par une tapisserie dont les ouvertures répandirent tout à coup une vive lumière. Elle disparut. D'Artagnan demeura un instant immobile et se demandant où il était, mais bientôt le mot de majesté, plusieurs fois répété, lui indiquèrent clairement qu'il était dans un cabinet attenant à la chambre de la reine. Le jeune homme se tint dans l'ombre et attendit. Enfin, tout à coup, une main et un bras adorables de forme et de blancheur passèrent à travers la tapisserie. D'Artagnan comprit que c'était sa récompense. Il se jeta à genoux, saisit cette main et appuya respectueusement ses lèvres. Puis cette main se retira, laissant dans les siennes un objet qu'il reconnut pour être une bague. Aussitôt la porte se referma, et D'Artagnan se retrouva dans la plus complète obscurité. D'Artagnan mit la bague à son doigt et attendit de nouveau. Peu à peu, le bruit des voix diminua dans la chambre voisine, puis la porte du cabinet où était D'Artagnan se rouvrit, et Madame Bonacieux s'y élança. « Vous ! Enfin ! » s'écria D'Artagnan. « Silence ! » dit la jeune femme en appuyant sa main sur les lèvres du jeune homme. « Silence ! Et allez-vous-en par où vous êtes venu. » « Mais où et quand vous reverrai-je ? » s'écria D'Artagnan. « Un billet que vous trouverez en rentrant vous le dira. Partez, partez. » D'Artagnan obéit comme un enfant, sans résistance et sans objection aucune, ce qui prouve qu'il était bien réellement amoureux. Chapitre 23. Le rendez-vous. D'Artagnan revint chez lui tout courant. Planchet, qu'il avait renvoyé 2 heures auparavant de l'hôtel de ville en lui recommandant de l'attendre, vint lui ouvrir la porte. « Quelqu'un a-t-il apporté une lettre pour moi ?» demanda vivement D'Artagnan. « Personne n'a apporté de lettre, monsieur, » répondit Planchet. « Mais il y en a une qui est venue toute seule. » Le jeune homme s'élançait dans la chambre et ouvrait la lettre. Elle était de Madame Bonacieux et conçue en ces termes. « On a de vifs remerciements à vous faire et à vous transmettre. Trouvez-vous ce soir vers 10 heures à Saint-Cloud, en face du pavillon qui s'élève à l'angle de la maison de Monsieur d'Estrées. C.B. » En lisant cette lettre, D'Artagnan sentait son cœur se dilater et s'étreindre de ce doux spasme qui torture et caresse le cœur des amants. Il lut et relut son billet, puis il baisa et rebaisa 20 fois ces lignes tracées par la main de sa belle maîtresse. Enfin, il se coucha, s'endormit et fit des rêves d'or. À 7 heures du matin, il se leva et appela Planchet. « Planchet, lui dit D'Artagnan, je sors pour toute la journée peut-être. Tu es donc libre jusqu'à 7 heures du soir. Mais à 7 heures du soir, tiens-toi prêt avec 2 chevaux. »« Allons, dit Planchet, il paraît que nous allons encore nous faire traverser la peau en plusieurs endroits. Tu prendras ton mousqueton et tes pistolets. »« Eh bien, que disais-je ? » s'écria Planchet. « Là, j'en étais sûr, maudite lettre. » Et ayant fait à Planchet un dernier geste de recommandation, il sortit. Monsieur Bonacieux était sur sa porte. « Ah ! » dit Monsieur Bonacieux. « Mais qu'êtes-vous devenu tous ces jours passés ? Je ne vous ai vu, ni vous ni vos amis. »« Vous avez raison, mon cher monsieur Bonacieux. Mes amis et moi, nous avons fait un petit voyage. »« Loin d'ici ? Oh, mon Dieu, non, à 40 lieues seulement. Hein ?»« Et vous êtes revenu, vous, n'est-ce pas ? » reprit monsieur Bonacieux en donnant à sa physionomie son air le plus malin. « Un beau garçon comme vous n'obtient pas de long congé de sa maîtresse, n'est-ce pas ?» « Ma foi, dit en riant le jeune homme, oui, j'étais attendu et bien impatiemment, je vous en réponds. » Bonacieux devint si pâle que D'Artagnan ne put faire autrement que de s'en apercevoir et lui demanda ce qu'il avait. « Rien, répondit Bonacieux, rien. Ne faites pas attention à cela, vous qui n'avez à vous occuper que d'être heureux. Amusez-vous bien. » Mais D'Artagnan était trop loin pour l'entendre. Il se dirigea vers l'hôtel de Monsieur de Tréville. Sa visite de la veille avait été, on se la rappelle, très courte et très peu explicative. Il trouva M. de Tréville dans la joie de son âme. Le roi et la reine avaient été charmants pour lui au bal. Il est vrai que le cardinal avait été parfaitement maussade. « Maintenant, dit Monsieur de Tréville, parlons de vous, mon jeune ami. Car il est évident que votre heureux retour est pour quelque chose dans la joie du roi, dans le triomphe de la reine et dans l'humiliation de son éminence. Il s'agit de bien vous tenir. Qu'ai-je à craindre ? Répondit d'Artagnan. « Tout, croyez-moi. Le cardinal n'est point homme à oublier une mystification. Croyez-vous que le cardinal soit aussi avancé que vous et sache que c'est moi qui ai été à Londres ? Diable ! Vous avez été à Londres. Est-ce de Londres que vous avez rapporté ce beau diamant qui brille à votre doigt ? Sa Majesté m'a fait l'honneur de m'accorder cette grâce. Et cela en présence de témoins ? Imprudente. Trois fois imprudente. Non, monsieur, rassurez-vous, personne ne l'a vu, reprit d'Artagnan. Et il raconta à monsieur de Tréville comment les choses s'étaient passées. Ah, les femmes ! Les femmes ! S'écria le vieux soldat. Je les reconnais bien à leur imagination romanesque. Vous rencontreriez la reine que vous ne la reconnaîtriez pas. Elle vous rencontrerait, qu'elle ne saurait pas qui vous êtes. Non, mais grâce à ce diamant, reprit le jeune homme. Écoutez, dit Monsieur de Tréville, voulez-vous que je vous donne un conseil, un bon conseil, un conseil d'ami ? Vous me ferez honneur, monsieur, dit d'Artagnan. Eh bien, allez chez le premier orfèvre venu et vendez-lui ce diamant. Les pistoles n'ont pas de nom, jeune homme, et cette bague en a un terrible, ce qui peut trahir celui qui la porte. Vendre cette bague ? Une bague qui vient de ma souveraine ? Jamais, dit d'Artagnan. Le cardinal a la mémoire tenace et la main longue. Croyez-moi, il vous jouera quelque tour. C'est moi qui vous le dis, voyez des ennemis partout. Si l'on vous cherche querelle, évitez-la. Si l'on vous attaque de nuit ou de jour, battez en retraite et sans honte. Si vous traversez un pont, tâtez les planches, de peur qu'une planche ne vous manque sous le pied. Défiez-vous de tout le monde, de votre ami, de votre frère, de votre maîtresse surtout. D'Artagnan rougit. « De ma maîtresse » répéta-t-il machinalement. « Et pourquoi plutôt d'elle que d'une autre ? C'est que la maîtresse est un des moyens favoris du cardinal. » Il n'en a pas de plus expéditif. Une femme vous vend pour 10 pistoles, témoin Dalila. Mais, à propos, que sont devenus vos 3 compagnons ? J'allais vous demander si vous n'en aviez pas appris quelques nouvelles. Aucune, monsieur. Eh bien, je les ai laissés sur ma route. Porthos à Chantilly avec un duel sur les bras, Aramis à Crèvecœur avec une balle dans l'épaule, et Athos à Amiens avec une accusation de faux monnayeur sur le corps. À votre place, je ferai une chose. Laquelle ? Tandis que son éminence me ferait chercher à Paris, je reprendrais moi, sans tambour ni trompette, la route de Picardie, et je m'en irais savoir des nouvelles de mes 3 compagnons. Que diable ! Ils méritent bien cette petite attention de votre part. Le conseil est bon, monsieur, et demain je partirai. Et d'Artagnan prit congé de monsieur de Tréville, touché plus que jamais de sa sollicitude toute paternelle pour ses mousquetaires. Chapitre 24. Le pavillon. À 9 heures, d'Artagnan était à l'hôtel des gardes. Il trouva Planchet sous les armes. Le 4e cheval était arrivé. Planchet était armé de son mousqueton et d'un pistolet. D'Artagnan avait son épée et passa 2 pistolets à sa ceinture, puis tous 2 enfourchèrent chacun 1 cheval et s'éloignèrent sans bruit. Il faisait nuit close et personne ne les vit sortir. Planchet se mit à la suite de son maître et marcha par derrière à 10 pas. D'Artagnan traversa les quais, sortit par la porte de la conférence et suivit alors le chemin, bien plus beau alors qu'aujourd'hui, qui mène à Saint-Cloud. Tant qu'on fut dans la ville, Planchet garda respectueusement la distance qu'il s'était imposée, mais dès que le chemin commença à devenir plus désert et plus obscur, il se rapprocha tout doucement. Si bien que lorsqu'on entra dans le bois de Boulogne, il se trouva tout naturellement marcher côte à côte avec son maître. En effet, nous ne devons pas dissimuler que l'oscillation des grands arbres et le reflet de la lune dans les taillis sombres lui causaient une vive inquiétude. D'Artagnan s'aperçut qu'il se passait chez son laquais quelque chose d'extraordinaire. « Eh bien, monsieur Planchet, lui demanda-t-il, qu'avons-nous donc ? Ne trouvez-vous pas, monsieur, que les bois sont comme les églises ? Pourquoi cela, Planchet ? Parce qu'on n'ose point parler haut dans ceci comme dans celle-là. Pourquoi n'oses-tu parler haut, Planchet ? Parce que tu as peur ? Peur d'être entendu, oui, monsieur. Peur d'être entendu. Notre conversation est cependant morale, mon cher Planchet, et nul n'y trouverait à redire. Ah, monsieur, reprit Planchet en revenant à son idée mère, que ce monsieur Bonacieux a quelque chose de sournois dans ses sourcils et de déplaisant dans le jeu de ses lèvres. Qui diable te fait penser à Bonacieux ? Monsieur, l'on pense à ce que l'on peut et non pas à ce que l'on veut. Parce que tu es un poltron, Planchet. Monsieur, ne confondons pas la prudence avec la poltronie. La prudence est une vertu. Et tu es vertueux, n'est-ce pas, Planchet ? Monsieur, n'est-ce point le canon d'un mousquet qui brille là-bas ? Si nous baissions la tête... En vérité, murmura D'Artagnan, à qui les recommandations de M. de Tréville revenaient en mémoire, en vérité, cet animal finirait par me faire peur. Et il mit son cheval au trot. Planchet suivit le mouvement de son maître exactement comme s'il eût été son ombre et se retrouva trottant près de lui. « Est-ce que nous allons marcher comme cela toute la nuit, monsieur ? » demanda-t-il. « Non, Planchet, car tu es arrivé, toi. »« Comment je suis arrivé ? Et monsieur ?»« Moi, je vais encore à quelques pas. »« Et monsieur me laisse seul ici ? » ?»« Tu as peur, Planchet ?»« Non, mais je fais seulement observer à monsieur que la nuit sera très froide, que les fraîcheurs donnent des rhumatismes. » Et qu'un laquais qui a des rhumatismes est un triste serviteur, surtout pour un maître alerte comme monsieur. Eh bien, si tu as froid, Planchet, tu entreras dans un de ces cabarets que tu vois là-bas et tu m'attendras demain matin à 6 heures devant la porte. Monsieur, j'ai bu et mangé respectueusement l'écu que vous m'avez donné ce matin, de sorte qu'il ne me reste pas un traître sou dans le cas où j'aurai froid. Voici une demi-pistole. À demain. D'Artagnan descendit de son cheval, jeta la bride au bras de Planchet et s'éloigna rapidement en s'enveloppant dans son manteau. D'Artagnan, qui s'était jeté dans un petit chemin de traverse, continuait sa route et atteignait Saint-Cloud. Mais au lieu de suivre la grande rue, il tourna derrière le château, gagna une espèce de ruelle fort écartée et se trouva bientôt en face du pavillon indiqué. Il était situé dans un lieu tout à fait désert. Un grand mur, à l'angle duquel était ce pavillon, régnait d'un côté de cette ruelle, et de l'autre une haie défendait contre les passants un petit jardin au fond duquel s'élevait une maigre cabane. Nul bruit ne se faisait entendre. On eût dit qu'on était à 100 lieues de la capitale. D'Artagnan s'adossa à la haie après avoir jeté un coup d'œil derrière lui. Par-delà cette haie, ce jardin et cette cabane, un brouillard sombre enveloppait de ses plis cette immensité où dort Paris, vide, béant, immensité où brillaient quelques points lumineux, étoiles funèbres de cet enfer. Mais pour D'Artagnan, tous les aspects revêtaient une forme heureuse, toutes les idées avaient un sourire, toutes les ténèbres étaient diaphanes. L'heure du rendez-vous allait sonner. En effet, au bout de quelques instants, le beffroi de Saint-Cloud laissa lentement tomber 10 coups de sa large gueule mugissante. Il y avait quelque chose de lugubre à cette voix de bronze qui se lamentait ainsi au milieu de la nuit. Mais chacune de ces heures qui composaient l'heure attendue vibrait harmonieusement au cœur du jeune homme. Ses yeux étaient fixés sur le petit pavillon situé à l'angle de la rue et dont toutes les fenêtres étaient fermées par des volets, excepté une seule du premier étage. À travers cette fenêtre brillait une lumière douce qui argentait le feuillage tremblant de 2 ou 3 tilleuls qui s'élevaient formant groupe en dehors du parc. Évidemment, derrière cette petite fenêtre, si gracieusement éclairée, la jolie Madame Bonacieux l'attendait. Bercé par cette douce idée, D'Artagnan attendit de son côté une demi-heure sans impatience aucune, les yeux fixés sur ce charmant petit séjour dont D'Artagnan apercevait une partie du plafond aux moulures dorées, attestant l'élégance du reste de l'appartement. Le beffroi de Saint-Cloud sonna 10h30. Cette fois-ci, sans que D'Artagnan comprît pourquoi, un frisson courut dans ses veines. Peut-être aussi le froid commençait-il à le gagner et prenait-il pour une impression morale une sensation tout à fait physique. Puis l'idée lui vint qu'il avait mal lu et que le rendez-vous était pour 11 heures seulement. Il s'approcha de la fenêtre, se plaça dans un rayon de lumière, tira sa lettre de sa poche et la relut. Il ne s'était point trompé, le rendez-vous était bien pour 10 heures. Il alla reprendre son poste, commençant à être assez inquiet de ce silence et de cette solitude. 11 heures sonnèrent. D'Artagnan commença à craindre véritablement qu'il ne fût arrivé quelque chose à Madame Bonacieux. Il frappa 3 coups dans ses mains, signal ordinaire des amoureux, mais personne ne lui répondit. pas même l'écho. Alors il pensa avec un certain dépit que peut-être la jeune femme s'était endormie en l'attendant. Il s'approcha du mur et essaya d'y monter, mais le mur était nouvellement crépi et D'Artagnan se retourna inutilement les ongles. En ce moment, il avisa les arbres, dont la lumière continuait d'argenter les feuilles, et comme l'un d'eux faisait saillie sur le chemin, il pensa que du milieu de ses branches, son regard pourrait pénétrer dans le pavillon. L'arbre était facile. D'ailleurs, D'Artagnan avait 20 ans à peine et par conséquent se souvenait de son métier d'écolier. En un instant, il fut au milieu des branches et par les vitres transparentes, ses yeux plongèrent dans l'intérieur du pavillon. Chose étrange et qui fit frissonner D'Artagnan de la plante des pieds à la racine des cheveux, cette douce lumière, cette calme lampe éclairait une scène de désordre épouvantable. Une des vitres de la fenêtre était cassée, la porte de la chambre avait été enfoncée et à demi brisée, pendait à ses gonds. Une table, qui avait dû être couverte d'un élégant souper, gisait à terre. Les flacons en éclats, les fruits écrasés jonchaient le parquet. Tout témoignait dans cette chambre d'une lutte violente et désespérée. D'Artagnan crut même reconnaître au milieu de ce pêle-mêle étrange des lambeaux de vêtements et quelques taches sanglantes maculant la nappe et les rideaux. Il se hâta de redescendre dans la rue avec un horrible battement de cœur. Il voulait voir s'il ne trouverait pas d'autres traces de violence. La petite lueur suave brillait toujours dans le calme de la nuit. D'Artagnan s'aperçut alors, chose qu'il n'avait pas remarquée d'abord, car rien ne le poussait à cet examen, que le sol, battu ici, troué là, présentait des traces confuses de pas d'hommes et de pieds de chevaux. En outre, les roues d'une voiture qui paraissait venir de Paris avaient creusé dans la terre molle une profonde empreinte qui ne dépassait pas la hauteur du pavillon et qui retournait vers Paris. Enfin, D'Artagnan, en poursuivant ses recherches, trouva près du mur un gant de femme déchiré. Cependant, ce gant, par tous les points où il n'avait pas touché la terre boueuse, était d'une fraîcheur irréprochable. C'était un de ces gants parfumés comme les amants aiment à les arracher d'une jolie main. À mesure que D'Artagnan poursuivait ses investigations, une sueur plus abondante et plus glacée perlait sur son front. Son cœur était serré par une horrible angoisse, sa respiration était haletante. Et cependant, il se disait, pour se rassurer, que ce pavillon n'avait peut-être rien de commun avec Madame Bonacieux, que la jeune femme lui avait donné rendez-vous devant ce pavillon et non dans ce pavillon, qu'elle avait pu être retenue à Paris par son service, par la jalousie de son mari peut-être. Mais tous ces raisonnements étaient battus en brèche, détruits, renversés par ce sentiment de douleur intime qui, dans ces certaines occasions, s'empare de tout notre être et nous crie, par tout ce qui est destiné chez nous à entendre, qu'un grand malheur plane sur nous. Alors D'Artagnan devint presque insensé. Il courut sur la grande route, prit le même chemin qu'il avait déjà fait, s'avança jusqu'au bac et interrogea le passeur. Vers les 7 heures du soir, le passeur avait fait traverser la rivière à une femme enveloppée d'une mante noire qui paraissait avoir le plus grand intérêt à ne pas être connue. Mais justement à cause des précautions qu'elle prenait, le passeur avait prêté une attention plus grande. Il avait reconnu que la femme était jeune et jolie. Tout concourait à prouver à D'Artagnan que ses pressentiments ne le trompaient point et qu'un grand malheur était arrivé. Il reprit le chemin du château tout courant. Il lui semblait qu'en son absence, quelque chose de nouveau s'était peut-être passé au pavillon et que des renseignements l'attendaient là. La ruelle était toujours déserte et la même lueur calme et douce s'épanchait de la fenêtre. D'Artagnan songea alors à cette masure muette et aveugle, mais qui sans doute avait vu et qui peut-être pouvait parler. La porte de clôture était fermée, mais il sauta par-dessus la haie et malgré les aboiements du chien à la chaîne, il s'approcha de la cabane. Au premier coup qu'il frappa, rien ne répondit. Un silence de mort régnait dans la cabane comme dans le pavillon. Cependant, comme cette cabane était sa dernière ressource, il s'obstina. Bientôt, il lui sembla entendre un léger bruit intérieur, bruit craintif, et qui semblait trembler lui-même d'être entendu. Alors D'Artagnan cessa de frapper et pria, avec un accent si plein d'inquiétude et de promesses, d'effroi et de cajolerie que sa voix était de nature à rassurer le plus peureux. Enfin, un vieux volet vermoulu s'ouvrit, ou plutôt s'entrebâilla, et se referma dès que la lueur d'une misérable lampe qui brûlait dans un coin eut éclairé le baudrier, la poignée de l'épée et le pommeau des pistolets de D'Artagnan. Cependant, si rapide qu'eût été le mouvement, D'Artagnan avait eu le temps d'entrevoir une tête de vieillard. « Au nom du ciel, dit-il, écoutez-moi. J'attendais quelqu'un qui ne vient pas. Je meurs d'inquiétude. Serait-il arrivé quelque malheur aux environs ? Parlez. » La fenêtre se rouvrit lentement et la même figure apparut de nouveau. Seulement, elle était plus pâle encore que la première fois. D'Artagnan raconta naïvement son histoire au nom près. Le vieillard l'écouta attentivement tout en faisant signe que c'était bien cela. Puis lorsque D'Artagnan eut fini, il hocha la tête d'un air qui n'annonçait rien de bon. « Que voulez-vous dire ? » s'écria D'Artagnan. « Au nom du ciel, voyons, expliquez-vous. »« Oh, monsieur, dit le vieillard, ne me demandez rien. Car si je vous disais ce que j'ai vu, bien certainement il ne m'arriverait rien de bon. » « Vous avez donc vu quelque chose ? » reprit D'Artagnan. « En ce cas, au nom du ciel, continua-t-il en lui jetant une pistole, dites ce que vous avez vu, et je vous donne ma foi de gentilhomme, que pas une de vos paroles ne sortira de mon cœur. » Le vieillard lut tant de franchise et de douleur sur le visage de D'Artagnan, qu'il lui fit signe d'écouter, et qu'il lui dit à voix basse, « Il était 9 heures à peu près. J'avais entendu quelques bruits dans la rue et je désirais savoir ce que ce pouvait être. Lorsqu'en m'approchant de ma porte, je m'aperçus qu'on cherchait à entrer. Comme je suis pauvre et que je n'ai pas peur qu'on me vole, j'allai ouvrir et je vis 3 hommes à quelques pas de là. Dans l'ombre était un carrosse avec des chevaux attelés et des chevaux de main. Ces chevaux de main appartenaient évidemment aux 3 hommes qui étaient venus en cavalier. « Ah, mes bons messieurs, m'écriai-je, que demandez-vous ? Tu dois avoir une échelle, me dit celui qui paraissait le chef de l'escorte. Oui, monsieur, celle avec laquelle je cueille mes fruits. Donne-nous-la et rentre chez toi, voilà un écu pour le dérangement que nous te causons. Souviens-toi seulement que si tu dis un mot de ce que tu vas voir et de ce que tu vas entendre, car tu regarderas et tu écouteras quelques menaces que nous te fassions, j'en suis sûr, tu es perdu. » À ces mots, il me jeta un écu que je ramassai, et il prit mon échelle. Les 3 hommes avaient fait avancer la voiture sans aucun bruit. Ils en tirèrent un petit homme, gros, court, grisonnant, mesquinement vêtu de couleur sombre, lequel monta avec précaution à l'échelle, regarda sournoisement dans l'intérieur de la chambre, redescendit à pas de loup et murmura à voix basse, « C'est elle. » Aussitôt, celui qui m'avait parlé s'approcha de la porte du pavillon. Tout à coup, de grands cris retentirent dans le pavillon. Une femme accourut à la fenêtre et l'ouvrit comme pour se précipiter. Mais aussitôt qu'elle aperçut les 2 hommes, elle se rejeta en arrière. Les 2 hommes s'élancèrent après elle dans la chambre. Alors je ne vis plus rien. Mais j'entendis le bruit des meubles que l'on brise. La femme criait et appelait au secours. Mais bientôt ses cris furent étouffés. Les 3 hommes se rapprochèrent de la fenêtre en portant la femme dans leurs bras. 2 descendirent par l'échelle et la transportèrent dans la voiture, où le petit vieux entra après elle. Celui qui était resté dans le pavillon referma la croisée, sortit un instant après par la porte et s'assura que la femme était bien dans la voiture. Ses 2 compagnons l'attendaient déjà à cheval. Il sauta à son tour en selle. Le laquais reprit sa place près du cocher. Le carrosse s'éloigna au galop, escorté par les 3 cavaliers, et tout fut fini. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien vu, rien entendu. D'Artagnan, écrasé par une si terrible nouvelle, resta immobile et muet, tandis que tous les démons de la colère et de la jalousie hurlaient dans son cœur. « Mais mon gentilhomme, reprit le vieillard, sur lequel ce muet désespoir causait, certes, plus d'effet que n'en eussent produit des cris et des larmes, allons, ne vous désolez pas, ils ne vous l'ont pas tué. » Voilà l'essentiel. Savez-vous à peu près, dit D'Artagnan, quel est l'homme qui conduisait cette infernale expédition ? Un grand sec basané, moustache noire, œil noir, l'air d'un gentilhomme. C'est cela, s'écria D'Artagnan. Encore lui, toujours lui. C'est mon démon à ce qu'il paraît. Et l'autre ? Lequel ? Le petit ? « Oh, celui-là n'est pas un seigneur, j'en réponds. D'ailleurs, il ne portait pas l'épée, et les autres le traitaient sans aucune considération. » « Quelque laquais, murmura D'Artagnan. « Ah, pauvre femme, qu'en ont-ils fait ? Vous m'avez promis le secret, dit le vieillard, et je vous renouvelle ma promesse. Soyez tranquille, je suis gentilhomme. Un gentilhomme n'a que sa parole, et je vous ai donné la mienne. » D'Artagnan reprit l'âme navrée le chemin du bac. Tantôt, il ne pouvait croire que ce fût Madame Bonacieux et il espérait le lendemain la retrouver au Louvre. Tantôt il craignait qu'elle n'eût eu une intrigue avec quelque autre et qu'un jaloux ne l'eût surprise et fait enlever. Il flottait, il se désolait, il se désespérait. « Oh, si j'avais là mes amis !» s'écriait-il. « J'aurais au moins quelque espérance de la retrouver, mais qui sait ce qu'ils sont devenus eux-mêmes ?» Il était minuit à peu près. Il s'agissait de retrouver Planchet. D'Artagnan se fit ouvrir successivement tous les cabarets dans lesquels il aperçut un peu de lumière. Dans aucun d'eux, il ne retrouva Planchet. Au sixième, il commença de réfléchir que la recherche était un peu hasardée. D'Artagnan n'avait donné rendez-vous à son laquais qu'à 6 heures du matin, et quelque part qu'il fût, il était dans son droit. D'ailleurs, il vint au jeune homme cette idée qu'en restant aux environs du lieu où l'événement s'était passé, il obtiendrait peut-être quelque éclaircissement sur cette mystérieuse affaire. Au sixième cabaret, comme nous l'avons dit, D'Artagnan s'arrêta donc, demanda une bouteille de vin de première qualité, s'accouda dans l'angle le plus obscur et se décida à attendre ainsi le jour. Mais cette fois encore, son espérance fut trompée, et quoiqu'il écoutât de toutes ses oreilles, il n'entendit au milieu des jurons, des lazzis et des injures qu'échangeaient entre eux les ouvriers, les laquais et les rouliers qui composaient l'honorable société dont il faisait partie, rien qui pût le mettre sur la trace de la pauvre femme enlevée. Force lui fut donc, après avoir avalé sa bouteille par désœuvrement et pour ne pas éveiller des soupçons, de chercher dans son coin la posture la plus satisfaisante possible et de s'endormir tant bien que mal. D'Artagnan avait 20 ans, on se le rappelle, et à cet âge le sommeil a des endroits imprescriptibles qu'il réclame impérieusement, même sur les cœurs les plus désespérés. Vers 6 heures du matin, D'Artagnan se réveilla avec ce malaise qui accompagne ordinairement le point du jour après une mauvaise nuit. Sa toilette n'était pas longue à faire, il se tâta pour savoir si on n'avait pas profité de son sommeil pour le voler, et ayant retrouvé son diamant à son doigt, sa bourse dans sa poche et ses pistolets à sa ceinture, il se leva, paya sa bouteille et sortit pour voir s'il n'aurait pas plus de bonheur dans la recherche de son laquais le matin que la nuit. En effet, la première chose qu'il aperçut à travers le brouillard humide et grisâtre fut l'honnête Planchet qui, les 2 chevaux en main, l'attendait à la porte d'un petit cabaret borgne devant lequel D'Artagnan était passé sans même soupçonner son existence.